Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Et cette semaine, mais comme une fois par mois, en fait, on se retrouve hors du cadre habituel de chroniques, de critiques, d'entrevues pour se donner un club de lecture. On l'avait amorcé l'an dernier et je pense que c'est un peu une condition sine qua non pour la saison 2019-2020. Si l'émission revenait, ben le club de lecture lui aussi revenait. Oui, des menaces qu'on m'a fait, me dit Marco Duchesne, et des menaces qui ont été reçues avec bienveillance et sagesse. Je suis bien content de pouvoir reproposer à nouveau le club de lecture. Je suis bien content d'avoir mes trois libraires en résidence, parce que je peux même plus dire ex-libraire pour Jérôme. On pourrait dire des ex-libristes éventuellement, mais bref, joke d'intello. Donc, Marco Duchesne, bonjour. Ça doit être pour ça, je l'ai pas compris. Salut! Édouard Tremblay, bonjour. Salut Raymond, salut à tes auditeurs. Bien content d'être de retour avec vous encore pour une nouvelle saison. Jérôme Vermette, bonjour. Salut. Et en fait, nous, on s'est vu pas mal tout l'été, d'ailleurs. Là, pour ceux qui n'avaient pas vu passer sur les réseaux sociaux, on s'est vu à trois reprises autour de trois clubs de lecture avec des invités spéciaux qui nous proposaient des textes à discuter, à lire et à disséquer. Alors, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de les lire, de les écouter, en fait, sachez qu'ils sont tous les trois disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et je mentionnais libraire, on va mentionner aussi les librairies. En fait, Marco et Édouard sont du côté de chez Pantoute et Jérôme du côté de La Liberté. Voilà. C'est en place. Alors, donc, club de lecture, si on revise un peu le cadre, le fonctionnement, donc comment ça va se dérouler, eh bien, essentiellement, donc, on est quatre, donc on se propose à tour de rôle quatre albums. Donc, un mois un, l'autre mois l'autre. Ce mois-ci, pour ouvrir la saison, comme l'année dernière, eh bien, c'est Marco qui nous propose donc quatre titres. Les titres, on essaie de les lier par une thématique, par un élément quelconque qui justifie un choix éditorial, mais ça peut être assez large pour la justification. Et donc, l'idée, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a reçu les textes, on les lit et ensuite, ben, devant vous, avec vous, on vous les partage, on vous partage nos impressions de lecture. Évidemment, si vous nous suivez sur les médias sociaux, sur Facebook, entre autres, si vous nous suivez sur le blog, eh bien, vous savez les titres dont il sera question aujourd'hui. Je les mentionne rapidement. Dans le fond, un blueberry qui nous a été suggéré par, je rappelle Marco, donc je retrouve le titre, c'est... L'homme à l'étoile d'argent. Voilà, l'homme à l'étoile d'argent. Marco! Alors, on a un Largo Winch, donc les deux, le premier cycle, en fait, l'héritier. On a les petits ruisseaux de Pascal Rabaté et on a Marvel Civil War, donc un comic event. Alors ça, c'est les quatre titres que Marco nous a proposés. Marco, peut-être plus en détail, je t'inviterai à nous présenter ces titres-là et à nous expliquer pourquoi peut-être aussi tu nous as proposé tout ça. En fait, c'est un thème qui me tient à cœur depuis longtemps parce que, étant d'abord et avant tout un amateur de BD, mais aussi... un amateur de cinéma, de séries télé. J'aime l'image quand elle bouge aussi. Et ça m'a toujours fasciné, ça, ces deux médiums-là, dont l'un, les images sont juxtaposées et que l'autre, les images sont superposées. Ils défilent pas à la même vitesse et tout. Et ça m'a toujours fasciné. Et en plus, il y a cette fameuse idée de l'adaptation d'un roman, d'une BD et de peu importe de l'histoire de la façon au cinéma. Cette adaptation, cette façon qu'on a de raconter une histoire, même quand on a une histoire à nous raconter, l'histoire est toujours adaptée et change pas, devient plus, devient moins. Donc, c'est un thème qui me tient à cœur depuis longtemps. Et pour le club de lecture, eh bien, le déclencheur a été, j'ai fini par voir le film Blueberry. Donc, on décolle. Et c'est ça, ça fait des années que ce film existe et que je n'avais pas encore vu et que ceux qui me connaissent me disaient « Ah ouais, t'as pas encore vu Blueberry? Ouais, là. » Et... Bon, c'était un peu... Et là, je suis tombé là-dessus et là, ça a déclenché. Dès que l'ouverture du club de la saison s'est faite, j'ai fait « Ah oui, OK, je vais y aller avec ce petit thème qui me tient à cœur. » D'où la question est « Qu'est-ce qui fait qu'une bonne adaptation d'une BD au cinéma? » Qu'est-ce qui fait que c'est une bonne adaptation ou pas? Voici mes quatre choix. Donc, Blueberry. Alors, j'ai choisi L'homme à l'étoile d'argent, qui est un album qui se situe au début de la série. On est rendu à peut-être 7 ou 8 albums dans la série Blueberry, qui va en compter 30 et quelques. Et L'Homme à l'étoile d'argent est établi. Jean-Michel Charlier, le scénariste, maîtrise son scénario. Jean Giraud, le dessin, il a commencé à se démarquer de J.G., son mentor, et il commence à développer son propre style réaliste. Donc, c'est... Et L'Homme à l'étoile d'argent se lit presque tout seul dans la série Blueberry. Et le film, si jamais vous avez... Je sais que pas tout le monde a pu le voir, mais et peu importe si les gens ont pu voir les films ou pas, c'est pas grave. Le film, le réalisateur dans les années 80, un réalisateur français, je crois, mais une collaboration européenne avec Vincent Cassel, le réalisateur a choisi d'adapter le héros, pas un album en particulier, et d'en faire un film avec une histoire de quête de trésor indien, mexicain. Et beaucoup de séquences. Et on pourra en revenir là-dessus. Donc, le film n'est pas une adaptation stricte. On s'est inspiré du personnage de Blueberry. D'ailleurs, en français, ça s'appelle Blueberry, le film, mais en anglais, ça s'appelle The Renegade. Mon deuxième choix est Les Petits Ruisseaux. Lui aussi, dans mon questionnement de qu'est-ce qu'une bonne adaptation à BD, pop à chaque fois. Quand j'ai vu, j'ai su qu'il y avait un film, ça aussi, je me suis empressé de l'écouter, et ça aussi a fait fonctionner ma réflexion là-dessus. Donc, Rabaté, il y a quelques années, est arrivé avec cet album, ce roman graphique, parce que c'en est un, à mon avis, de l'histoire d'un petit vieux qui, avec son chum, vit dans une région de la France et ont une routine, vont à la pêche. Ces deux vieux chums, ils ont quasiment pas rien à se dire, mais soudainement, son pote, le petit vieux, je me rappelle plus de son nom, son pote, un secret, va rentrer dans la... Il va se confier à lui, va confier son secret, et il va finir par mourir, et le petit vieux va comme partir sur la route, et là, ça va devenir une espèce de road movie, où là, le petit vieux va partir en quête de... On n'est pas sûr, mais... Bon, il veut peut-être en finir, mais il va rencontrer des gens, donc ça devient une espèce de road movie, d'un hymne à la joie, à la vie. Et il y a eu un film avec Daniel, je me rappelle plus son nom de l'acteur, bref, un petit film. Réalisé par Rabaté lui-même, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et donc, la touche Rabaté est importante dans ce cas-ci. C'est Daniel Auteuil? Non, un acteur moins connu, mais... qui a joué plus dans des comédies. Celui qui jouait Cheval là, dans le Dîner de cons. Dont le nom m'échappe aussi, malheureusement. Mais les auditeurs sauront le replacer. Assurément. Ou regarder sur leur téléphone intelligent. Tout le monde va replacer Cheval. C'est ça. Ensuite, j'y suis allé pour Largo Winch. Largo Winch, pour moi, c'est une série que j'aime beaucoup. Parce que elle est arrivée en même temps que moi, ou presque, en librairie, quand j'ai commencé, il y a 30 ans, déjà. Les séries établies comme 13 de... Du même auteur, Vanham. Oui. De Vanham, mais aussi de l'autre dessin, Vance, et de Torgal étaient établies. Ces séries-là étaient bien établies. Et celle-là est arrivée et elle a marqué la bande dessinée d'une certaine façon par son style, son dessin et ses histoires. Les histoires sont toujours en deux tons et c'est adapté de roman. Déjà là, c'est aussi une adaptation de roman que Jean Vanham faisait dans les années 70. Et il y a, dans les années 80, en 2008, je crois, est arrivé un film, une production, là encore, européenne, là, franco-britannique, avec un acteur dont je ne me rappelle plus le nom non plus. Et ils ont adapté en film les deux premiers, L'Héritier et Le Groupe W. Ça devait être un pilote pour une série. Série qui n'a pas eu lieu, parce que en 2008, on n'était pas encore dans ce qu'on appelle la frénésie de la série. Donc, c'est resté un film qu'on peut voir un peu partout. Là. Mais peu importe si vous l'avez pas vu, toujours, comme je vous dis, la réflexion, elle va se faire d'elle-même en parlant des albums et du cinéma. Et le tout dernier, qui est un film, on y aurait pas échappé, dans mon thème et dans ma vision de l'adaptation, il y a le super-héros. Car, étant un fan de la première heure, c'est-à-dire dès que j'ai su lire, dès que j'ai su lire de la BD, j'avais aussi des comics et lire les comics, et d'arriver à les voir bouger. C'était attendu. Je tiens ça un peu de mon père qui, lui, quand il a vu Superman la première fois, il capotait, là, le premier avec Christopher Reeve, là, il capotait, là, il disait, waouh, on le voyait voler. Et c'est ça. J'ai hérité de ça, c'est-à-dire de surveiller à un moment donné comment se ferait l'adaptation au cinéma. Et quand Marvel Studios est arrivé avec le premier Iron Man, là, déjà là, on a vu la qualité de la façon d'adapter visuellement ces super-héros-là. Mais aussi d'adapter le comic comme tel. Et tout ça en 22 quelques films. Là. Et le plus important, et ça a été un titre important dans la BD, dans l'univers Marvel, Civil War est c'est une pierre angulaire de tout l'univers. Mark Millar, quand on y a affecté, on a dit fais un truc, un Marvel Event, un événement Marvel, c'est-à-dire qui regroupe tous les super-héros en un événement. Lui a vraiment marqué le coup. Dans Civil War, une loi est adoptée comme de quoi chaque super-héros doit signer, doit s'enregistrer et dévoiler son identité secrète. Et dans la communauté des super-héros, il y a une scission qui se fait. Les super-héros qui signent et qui se soumettent à la loi, et ça sous la direction de Iron Man. Et l'autre partie qui refuse de signer et qui prennent le maquis, et tout ça sous la direction de Captain America. Et ce comic est vraiment là, c'est une des œuvres majeures dans l'univers Marvel. Et il a été aussi adapté au cinéma et il est dans l'univers cinématographique de Marvel. Et cette fois-ci, c'est sous le titre de Captain America Civil War. Car les événements Marvel au cinéma, c'est sous le titre Avenger qu'ils les ont. Généralement, oui, c'est ça. Ça, c'est le seul qui n'est pas sous Avenger. Ouais, en fait, c'est ça. Donc, Civil War était adapté, mais on l'a mis sous le titre dans un film où c'était Captain America qui était le personnage principal. Voilà. Donc, voici, messieurs. Alors, c'est la partie la plus le fun. Voilà, messieurs. Je vous ai donné en pâture ces quatre albums. Je vous ai dit qu'il y avait des adaptations au cinéma. Il y a des films qui existent pour chacun d'eux. Et là, je vous pose la question, messieurs. Qu'est-ce qui fait une bonne adaptation au cinéma? Qu'est-ce qui fait qu'une bonne adaptation au cinéma d'une BD fait que c'est une bonne adaptation, un bon film? À vous de jouer! Si vous permettez, comme d'habitude, je vais me lancer. Je pense d'emblée, si on porte un regard d'ensemble, parce que bon, de la BD adaptée en film, on s'entend qu'il y en a une puis un autre là. C'est pas le choix qui manque, mais quand même, on remarque assez vite que disons les quatre choix de Marco justement sont pas innocents, sont pas pris au hasard comme ça, parce que on a vraiment en fait justement quatre cas d'adaptation qui, à mon avis, sont assez opposés, assez différents l'un dans l'autre. Bon, Blueberry, on y reviendra, hein, mais il va falloir crever l'abcès à un moment donné, là. Déjà, l'Argo Winch, ben, Marco parlait justement du fait que c'était quelque chose qui allait être adapté en BD, adapté en série télé. Et même, je vous dirais, à l'écoute du film, on sent déjà ce potentiel-là, bien sûr. Bon, c'est sûr que le fait aussi que la série dure déjà depuis plusieurs années, ouvre quand même une porte à ça. Mais même juste avec une heure et 30 que dure le film, on sent déjà qu'il y a le potentiel de faire quelques saisons avec ça. Les petits ruisseaux, on y reviendra aussi, mais je pense que c'est pour moi assurément la plus belle adaptation, peut-être aussi celui qui était le plus simple à transposer d'une manière assez crédible. Et Civil War, justement, avec lequel j'aimerais qu'on, en tout cas pour ma part, j'aimerais qu'on débute un peu, parce que c'est, oui, le film de super-héros, quelque chose qui, pour une multiplicité d'aspects, souvent, on pourrait penser que c'est comme facile à transposer. On se dit, bon, l'histoire, c'est ça. Mais c'est vraiment, au contraire, je pense, un des films qui a dû être le plus dur dans les quatre à adapter pour tout un paquet de raisons. D'abord, parce que, justement, la BD de Civil War, il y a quoi, 80 personnages là-dedans? Ah non, mais ils sont tous là, là. Ils sont tous là. Puis sincèrement, comme lecteur, c'est à s'y perdre. Moi, je les connais des films. Ah, et oui, sincèrement, j'ai eu beaucoup de misère à lire ça. Oui. Quelqu'un qui n'est pas familier avec l'univers Marvel, évidemment, pour tous les groupes secondaires, là, il y en a énormément. Là. Mais ce qui est, c'est aussi ce qui est agréable avec ça, c'est que, d'une certaine manière, ben, au-delà justement bon de la réduction des personnages, bon de l'histoire qu'on a quand même réussi à concentrer, justement à polariser dans les deux grands pôles que sont Captain America et Iron Man, mais il y a des aspects justement juste comme les costumes. Il y a un paquet de costumes qui dans les BD, dans les comics fonctionnent très bien et que si vous tentez de transposer au cinéma, je pense à celui de Wolverine qui est criant de ça, là, c'est absolument abominable. Ils font des jokes d'ailleurs dans le film là. Ouais, ben, tout à fait là, ça arrive régulièrement, mais je trouve ça intéressant ce que tu disais tantôt, parce que ce que je comprends, c'est que c'est une commande ni plus ni moins que Mark Miller a eu. Moi, je l'ai trouvé un peu difficile à lire parce que l'univers. Ouais, c'est ça. En fait, à un moment donné, quand un scénariste devient assez populaire et tout, alors là, on l'embarque dans un Marvel Teven. Au début, il n'y en avait pas tant que ça. Si tu me permets juste d'amener là-dessus, j'avais hâte de le lire parce que je connaissais un peu le concept. Parce qu'effectivement, il y a un côté légendaire dans l'univers Marvel. Puis Mark Miller, c'est un auteur que j'admire beaucoup parce que bon, il a créé Kick-Ass, qui est une critique du super-héros qui est vraiment hot. Il a fait des BD comme Superman Red Son, que je trouve formidable, The Ultimates, qui est génial. Ce que j'aime beaucoup de lui, puis ce que je retrouve quand même dans Civil War, c'est que moi je trouve qu'il a réussi à transposer le super-héros dans l'univers post-11 septembre d'une manière absolument hallucinante. On s'y perd, par contre, dans les personnages. Ouais. Là-dedans, et c'est là que l'adaptation filmée devient vraiment intéressante. Là, mais, oui, parce qu'en fait, c'est des fois, on parle de porte d'entrée. En fait, moi, je suis pas un gros lecteur de super-héros. Je connais un peu les univers cinématographiques, mais l'univers BD, j'ai été chercher quelques titres à gauche, à droite, mais rien de structurant. Et sincèrement, c'est le genre de truc où s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui disent « Ben, moi, j'en lis pas tant que ça », il faut pas commencer par ça, sérieux, il y en a tellement. Effectivement. Après 5 pages, t'es déjà mêlé sur le qui était qui, et on dirait qu'à un moment donné, ça devient confus pour le lecteur qui ne connaît pas les univers, et donc ce qui fait que on n'arrive pas simplement à attraper la chose et à embarquer, si on peut dire. On voit même les sentinelles pour les X-Men qui sont reprises dans Days of Future Past. X-Men Days of Future Past dans le film, qui est très bien aussi d'ailleurs, là. C'est ça. Miller, effectivement, a toujours montré le côté obscur du super-héros. Oui, vraiment. Il garde la motivation du super-héros, c'est-à-dire, bon, être un bon gars et sauver le monde. Là-dedans aussi, d'ailleurs. Mais là-dedans aussi, le côté obscur. Et là, le trait de génie, c'est de faire cette scission-là pour les bonnes et mauvaises. Tu sais, la bonne raison, écoute, être un super-héros, écoute, embarque, signes la loi, dévoile tes trucs, et voilà. Et oui, parce que Stark, comme dans le film, et c'est ça, l'adaptation du film est magistrale. Parce que c'est un de mes préférés, moi, personnellement. Non seulement ils ont épuré le nombre de personnages, mais ils ont gardé cette ligne-là. La signature du là et là, et qu'est-ce que ça fait comme débat? Tony Stark, il a raison. Les deux ont raison. Que les jeunes, il faut que les super-héros soient encadrés. Sans ça, c'est le bordel. Et qui paye pour les erreurs et tout? Et le Captain America, il a raison. Steve Rogers a raison. Parce que s'ils se mettent à se dévoiler et tout et être sous la. Mais en même temps, tu sais, Steve Rogers, lui, il a un cœur pur. C'est l'idée fondamentale du Capitaine America. Puis Tony Stark, il a raison, parce qu'au bout du compte, les super-héros, c'est des gens qui se font justice eux-mêmes, hein, ben oui, quelque part. C'est des vigilantes. C'est ça, c'est ça. Puis... Mais c'est le point aussi, justement, on parle justement à quel point la BD a marqué son époque, mais justement, avec un personnage comme Captain America, au-delà du fait que ça l'a ramené de l'avant et que ça l'a modernisé, ben justement, quand on regarde, évidemment, ce qu'était Captain America, ce que représentait Captain America, que lui... en particulier, mène la révolte contre le gouvernement américain. Oui, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. C'est quelque chose quand même d'assez, c'est vrai. Ça. Je veux dire, c'est un... Ben, tu sais, tu parlais justement du fameux poste 11 septembre. Bon, évidemment, on parle de la présidence de Bush, de la position américaine. C'est de Defender, c'est ça. Ben, mais c'est ça. Comment un personnage comme le Capitaine America, qui représente des valeurs qui, bon, peut-être un peu surannées, évidemment, mais tu sais, qui était une Amérique idéale, où l'ennemi... était clair, je veux dire, c'était les nazis, ils étaient mauvais, on se posa pas encore qu'aujourd'hui, on y reviendra, mais tu sais, c'était assez clair à l'époque, les nazis, c'est le mal, puis bon, il y a pas trop de mais je veux dire, au-delà de ça, de prendre justement le personnage de Captain America pour marquer cette opposition là, c'est ça aussi qui donne une puissance. Puis même, tu vois, dans les films, il a fallu déjà qu'on commence à le mettre en place. Déjà, avec le deuxième Captain America, le Winter Soldier, on commence déjà à brouiller la carte de qu'est-ce que Captain America représente. Oui, puis c'est un point important, parce que sans le Captain America, le débat aurait peut-être été plus noir et blanc. Oui. Mais dans le fond, le fait que c'est lui qui amène la contrepartie nous amène dans une zone de gris et amène et force une richesse. Dans le fond, dans la réflexion, il force le lecteur à dire, ben si lui pense ça, il y a peut-être quelque chose de... Puis finalement, c'est ce qui Tony nous donne... Tony Stark, c'est un grand industriel, oui, lui. Exact. En plus, c'est lui, il accepte qu'il devienne public, ça, c'est intéressant. La grande réussite de l'adaptation, pour moi, là, la grande réussite, c'est que Miller, qui veut montrer le côté... et il développe le côté politique. Ouais. Du truc. Tu sais, pour un truc de super-héros, il se passe pas grand-chose, là, mais il démontre le côté politique de ce qu'est les accords. Là-dedans, ouais, c'est la loi sur l'enregistrement. Là. Mais dans le film, là où l'adaptation est géniale, parce qu'on garde cet aspect-là politique, mais on le ramène au personnel, parce que, en fin de compte, tout ça, c'est la manipulation de ce fameux Zemo qui les manipule. Et là, on apprend que Iron Man, Tony Stark, qui a perdu son père, c'est Winter Soldier, et que là, c'est Iron Man qui veut se venger, c'est Captain America qui veut protéger son ami. Tout ça finit par une espèce de ramener au personnel. Et on s'en rend même pas compte. Mais je pense que pour ramener au point de la question que tu posais, à savoir qu'est-ce qui fait une bonne adaptation, un bon film, mais je pense que, justement, dans Civil War... Oui, il y a eu une nécessité de couper, d'adapter et tout, mais c'est les codes. C'est toujours les fameux codes qu'on respecte, qu'on garde en place. Vous allez voir quelle belle transition si on parle de Lord of the Rings. C'est parce que le MCU, le Marvel Cinematic Universe, il y a un avantage que peu d'autres adaptations ont. Elles sont faites par des fans. Les producteurs fans. Et donc, ils ont un respect. Tu sais, genre, la dernière fois que je peux voir ça au cinéma dans ma tête, c'est quand Peter Jackson a adapté Le Seigneur des Anneaux. Il était lui-même fan. Puis c'est ça se transpose. Et ça paraissait. En fait, c'est que ça ramène toujours à l'expression, en fait, traditore, traduttore. Ouais. Donc, le traducteur est un traître parce que, dans le fond, il transforme, il s'approprie le langage. Mais justement, puis c'est peut-être un premier élément de réponse, Marco, mais pour qu'une adaptation soit réussie, il faut adapter le matériel sans nécessairement avoir une dévotion au texte, dans le fond. Ouais. C'est comme même quand on regarde du côté d'Harry Potter, ben, le premier, c'est lourd parce qu'il adapte mot à mot pratiquement. Ouais. Et le troisième, subitement, où là, on se permet d'adapter l'ambiance, l'esprit, et bien là, ça fonctionne. Mais quand on réussit, justement, comme dans Civil War, à aller chercher l'essence du récit, l'essence des éléments importants, des forces, à positionner les choses, là, ça fonctionne. Mais quand on trahit trop, comme dans certaines adaptations dont on parlera tantôt. Ouais. Et bien là, ça marche plus. Puis quand on trahit pas assez puis qu'on est en dévotion, ben là, il y a comme une certaine lourdeur parce que la BD n'est pas du cinéma. Non. Et c'est pas parce que c'est visuel que je peux prendre ma BD puis dire voici un storyboard. C'est pas les mêmes défis. Dieu sait que c'est rendu facile aujourd'hui de faire les super-héros, là. Ouais. Tu sais, les faire voler et tout, là. Puis, mine de rien, dans les quatre lectures que tu nous as fait faire, la plus difficile à adapter, selon moi, c'était elle. Ah oui, ah oui, oui, le scénario. Fait, ah oui. Tout à fait. si tu voulais rester là, carrément dans cette BD-là. Alors, il s'en serait pas sorti. On parlait des codes, donc, oui, et comment, justement, c'était important, hein, et que c'était peut-être un élément qui, justement, permettait d'avoir une transposition de la BD au cinéma d'une manière efficace. Dans la même lignée des comics, on pense bon à Sin City, qui a vraiment fait le premier Sin City, qui a vraiment fait école un peu dans le genre. Mais justement, qu'est-ce que les codes, qu'est-ce que l'ambiance? Ben, si on se penche sur le film de Largo Winch, essentiellement, encore une fois, il y a eu des adaptations, ne serait-ce que par l'écart des années, c'est bête à dire, mais un des hommes les plus riches du monde à 10 milliards, ça fait un petit peu n'importe quoi de nos jours. Ouais, puis dans la série, à un moment donné, il y a toute une intrigue autour de du trafic de drogue dans le asiatique, triangle d'or, qui est un petit peu dépassé aussi, on sait où c'est. Mais quand même. C'est au-delà de ça, je pense quand même à la défense du film, qui reste un très bon divertissement, je pense, comme je disais, une heure et demie vraiment qui est fort agréable. On retrouve essentiellement les grands éléments de l'Argo Winch, bon, au-delà de l'intrigue, bien sûr, financière. Donc, les jolies filles sont au rendez-vous. Bien sûr. T'sais, dès qu'on en voit une, on sait bien que l'Argo va y faire du plan, que ça va. Et le personnage lui-même de l'Argo Winch, dans son, justement, dans son attitude, qui est loin d'être un jeune homme d'affaires, preppy, qui, c'est un homme d'action, c'est un gars qui est un peu aventurier. Un peu roublard aussi sur les coins. On voit arriver les trahisons une demi-heure avant que ça arrive, mais ça change rien. Ça fait partie. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, ça aussi, à quelque part, ça fait partie un peu de l'ambiance. Là. Ben, cette BD-là, c'est un film d'action des années 80. Ouais. Là, oui. On est pile là-dedans. C'est voilà. Et c'est un des éléments de. En fait, à l'arrivée de la BD, ce qui m'a marqué et m'a marqué, mais ce qui a marqué surtout, c'est effectivement cette façon de raconter. D'abord, parce que le dessinateur, Frank, au-delà du fait que Jean Van Hamme a écrit ces romans-là dans les années 70, Frank est un jeune dessinateur émule de Herman. Ah. Alors, il s'inspire du travail d'Herman, ce que Herman avait fait pour Comanche, pour Bernard Prince, et avait commencé à travailler avec sa série Jérémia. Frank débute, et là, on y voit, et il s'inspire du travail, du dessin, de cette façon de raconter presque réaliste, presque cinématographique, et aussi dans la façon de raconter. Mais une façon de raconter cinématographique très américaine. Ouais. Et là, on a... Et il situe son histoire en Amérique, évidemment. Pas en Amérique. Dans le film, c'est à Hong Kong. Okay. Oui, dans le film, je pense que c'est San Francisco, le siège social de... Je ne me rappelle plus. Mais... Bref, Frank s'inspire de tout ça, et en plus avec toutes ces couleurs, parce que c'est un élément important dans une BD, toutes ces couleurs pimpantes et vives, fait en sorte que quand moi la première fois j'ai vu ça, c'est ça bouge. Ouais. Ça bouge puis ça déboule. Et au-delà du fait que l'histoire se passe en deux tomes, et là à chaque tome, à chaque histoire, ça va toujours être en deux tons. Ouais. Et au cœur de ça, il y a l'intrigue économique. Et qui est toujours racontée. C'est-à-dire qu'on nous l'explique. Dans le film, ça passe un peu sous silence. Mm-hmm. On met, évidemment, en deux heures, en une heure et demie, c'était à peu près une heure et demie. On n'arrive pas à raconter tout le truc parce qu'il y a un complot pour empêcher Largo Winch d'hériter du groupe W. Il y a un complot... sur deux bases, et Largo Winch va rencontrer des personnages qui vont le suivre tout au long, mais là, on lui donne déjà pour acquis dans le film. Et arrive l'élément économique, trailer économique. L'élément économique est raconté là-dedans en deux, trois, on prend quatre pages, et ça passe, on est intéressé par la chose. Mm-hmm. Mais en fait, de façon générale, le trailer économique, il y a quand même des très beaux morceaux. Tu sais, je pense, par exemple, Hedge Fund, c'est très bon. Là-dessus, ça fonctionne bien aussi. Et sincèrement, moi, c'est mon premier contact avec Largo Winch. J'ai été agréablement pris par le récit. Et c'est sûr, comme tu dis, on voit un peu les twists arriver parce qu'il y a un côté archétypal, mais ça fonctionne bien. C'est moins marqué dans les albums suivants, par exemple. exemple, là, les OPA, tout ça. Oui, mais on quand voit même, moins y arriver les twists. Quand même, pareil, je me rappelle d'un été où je les ai lus en ligne pendant 3-4 jours. J'avais tout lu la série en ligne, puis j'avais mal à la tête, là. Mais j'étais prêt à investir à la bourse. Pour ce qui est du film, la grande déception, et ça m'a toujours... quand je lisais la BD et que j'ai su qu'il y avait un film, mon appréhension était « Est-ce que je vais retrouver? C'est déjà un film! » Tu sais, je me disais « Wow, la BD est déjà un film! Est-ce que je vais retrouver ça? » Et effectivement, j'ai été déçu par ce petit élément qui fait en sorte que la BD reste unique. C'est-à-dire, de un, les couleurs. Le film est terne. OK. Est vraiment terne. Et le deuxième effet, c'est l'action. Je trouve tellement que la BD bouge plus que le film. Même si on y a inséré des poursuites automobiles, parce que bon, dans un film d'action, évidemment, c'est comme si dans un thriller, on pouvait rallonger le scénario. Tu sais, quand t'as pas de scénario, tu rallonges le truc. Ouais. Et dans le film, il y a ça, mais il y a aussi le personnage de Largo Winch dessiné, cette façon d'être, cette façon d'affronter les événements et ce look. Là, quand tu arrives au film, le personnage dans le film, il fonctionne, mais presque. Ils ont de la misère avec ses cheveux, ils ont de la misère avec encore une fois, je me demande si justement le fait aussi que le personnage de Largo Winch dans la BD est aussi attachant peut-être par rapport à celui du film. Encore une fois, il y a peut-être une question de décalage, dans la mesure où, bon, tu sais, justement, on arrive avec Largo Winch, reste que ça tranche quand même, de par son attitude, ce côté un peu, justement, presque romanichel, un peu blard, un peu. Tu sais, avec genre les héros, bien sûr, ces jeunes garçons très purs à la Tintin, ou c'est les gars à la Blake et Mortimer, tu sais, honorables, avec une espèce de vieille, honneur, un peu, tu sais, à l'anglaise. Mais là, on a ce jeune homme très hip, un tombeur, qui, bon, la joue pas toujours très, très clean. Mais reste que maintenant, dans un film d'action moderne, le type, un petit peu anti-héros, Beau Brummel, qui, je veux dire, on l'a vu assez souvent. Film, on pourrait l'appeler n'importe quoi d'autre que Largo Winch. En fait, on est passé de type à archétype. Exactement. À l'époque de Largo Winch, j'étais un type. C'est peut-être là que Marco marque un point, c'est que là, la BD, elle se démarque par la manière dont le dessinateur Et arrive mon premier constat, un de mes premiers constats que j'ai toujours fait là-dessus, c'est que arrive un certain genre comme Largo Winch, le thriller, la BD d'espionnage, la BD policière, une fois adaptée, ne devient plus qu'un film policier ordinaire. Parce que ce qui se démarque, ce sera toujours le dessin. Comme si on faisait Tyler Cross en film, par exemple. Voilà. Tyler Cross, on pourrait le faire en film si on l'aborde un peu comme Sin City, si on se dit justement, si on admet que le parti pris visuel est une partie inhérente de la bande dessinée, mais on revient un peu au sempiternel débat, à savoir, la BD, le scénario, est-ce que la BD est littéraire à cause de son scénario ou à cause de son rendu? Les choix artistiques qui sont faits sur le plan visuel ont un impact tout aussi grand que le scénario, et si on les oublie dans l'adaptation, oublie ça. Sin City qui colle à l'univers de Miller, mais tu sais, la première fois, j'ai choisi Largo Winch parce que c'est un truc préféré, puis j'ai vu qu'il y avait un film, c'était là. Mais ma réflexion venait de Loser. Loser est un comique américain. C'est une espèce d'histoire de commando, de tout un groupe de commandos un peu spécial, un peu vraiment là, et qui se font framer pour qui se font vraiment embarquer dans un complot, arrêter pour et là ils prennent le large, puis ils essayent de, et tout ça avec de l'action, des scènes de combat, de tir, de poursuite et tout. Mais dans le comic, un des dessinateurs, je me rappelle plus de son nom, mais très énergique, très américain. Mm-hmm. Et le dessin déménage, puis des fois, c'est en aplat. Il y a un jeu avec les pages et tout. T'sais. Loser, en BD, c'était incroyable. Et le film, même si on a été chez de bons acteurs, dont Chris Evans, un de ses héros, le film est génial. Le film est un bon thriller, mais ça ne reste que film d'espion. Mm-hmm. Et c'est là que je me disais, ah ouais, et Largo Winch, ce qui fait la différence, ce sera toujours, toujours ça. Le dessin et cette façon de raconter en BD qui va démarquer. Ça veut dire que ça prend peut-être quelque chose de vraiment flyé comme idée. Je pense, là, je sais qu'on ne l'a pas eu à la lire, mais je pense à une BD que le film m'a beaucoup marqué parce qu'il était complètement flyé, mais Scott Pilgrim... Tout à fait. C'est... On respecte l'esprit de la BD. Mais, on respecte, mais l'esprit en lui-même de Jean Partant est comme délirant. Voilà. Ça, c'est même si tu n'as pas le dessin, qui est lui-même particulier... OK, là, c'est... Effectivement, c'est, non, c'est, de film, mémoire, là, c'est une des plus belles adaptations. Ouais. C'est qu'il adapte l'ambiance, en fait. Ils réussissent un peu comme Sin City, aller chercher l'ambiance, l'esprit, le cadre. C'est déjà des idées de base complètement folles, tu sais. Oui, oui, puis, tu sais, visuellement et tout, parce que c'est... Et c'est que ça, cet aspect d'adaptation. Quand je choisissais Civil War, je veux dire... avec la maîtrise de la technologie aujourd'hui, Iron Man, il vole! Et c'est crédible! Alors, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je fasse une bonne adaptation? Et c'est là qu'il faut que tu dépasses le truc. Comme pour Mission Cléopâtre, je veux dire, on va chercher Astérix et Obélix, ces trois autres existent. Là, on arrive avec celui-là où on s'approprie aussi l'esprit, l'humour, mais qu'on adapte pour quelque chose qui marche au cinéma. Parce qu'encore là, on revient à notre éditeur et traducteur. Faut accepter de s'éloigner aussi pour adapter au nouveau médium. Puis c'est très bon comme... C'est le seul des Astérix qui est vraiment démarqué aussi. Oui, ou c'est très bon, ou on loupe complètement le coche. Et là, ben, je pense qu'on n'aura pas le choix d'en parler. Hein. Blueberry. Et voilà. Ça fait un bon an que je l'ai, de évidemment, quand je le garde comme ça, en dedans de moi. Raymond Trépigne sur son siège, il en a envie. D'emblée, Marco, je ne sais pas si un jour je vais te pardonner de m'avoir fait écouter ça, après m'avoir fait initier à tant de bons classiques du western. Et c'est, je pense, un peu... Bon, d'emblée, juste pour faire l'avocat du diable, et on en avait déjà parlé, Marco, cette alternance entre, bon, le style western et le style halluciné, est-ce qu'on a dans voulu... Dans le film, ça. Oui, dans le film. Précisons, dans le film, tout à fait, parce que la BD, c'est on ne peut plus un beau classique du western, là, mais tu sais, même à la John Ford, pour ceux qui aiment bien les vieux westerns. Mais, bon, est-ce qu'on a essayé, à quelque part, de faire un clin d'œil à la fois à Jean Giraud / Moebius, les deux pendants du dessinateur qui, oui, d'un côté, est extrêmement halluciné avec des trucs comme l'incal, des trucs, et de l'autre, a des trucs vraiment très traditionnels. Je sais pas si on a essayé de le faire, mais si on a essayé, ben on a raté notre coup. Oui. OK? C'est mettons ça au clair tout de suite. Là. Je pense que le réalisateur a surtout réussi à faire un film en sniffant de la colle. Oui. Non, regarde, si, d'emblée, là, si vous voulez voir une bonne adaptation de L'Homme à l'étoile d'argent, allez vous taper Rio Bravo avec John Wayne. Et voilà. Allez vous taper High Plains Drifter avec Clint Eastwood. High Noon. Le début, qui est tout à fait, qui est écrit dans High Noon. Et en plus, vous allez avoir le bénéfice d'avoir un tournage, surtout chez John Ford, qui est classique, qui cadre extrêmement bien avec l'ambiance. Qui a marqué beaucoup d'ailleurs la manière dont les BDistes français illustrent le western. Exactement. Et c'est pour ça. Ouais, et voilà. C'est en maudit, là. Mais j'ai choisi. En fait, là, j'ai triché. Non, je sais, j'ai triché. Parce que l'adaptation à BD, effectivement, de Blueberry, j'étais tombé là-dessus, mais j'aurais pu choisir n'importe quel Blueberry. Ouais. Parce que la série est extraordinaire, le personnage devient un anti-héros. Mais malgré tout, Giraud et Charlier, et même après la mort de Charlier, Giraud a toujours gardé Blueberry dans un cadre classique. Dans un cadre de façon de raconter très classique. Peut-être la longue marche ou je me rappelle plus lequel, où là sur les couleurs il devait être un lendemain de la veille, là. Il y a beaucoup de couleurs primaires dans, il y a mené dans une chute là, puis oh là là, mais il a toujours gardé ça. Mais en fait, c'est que ça vieillit bien, sincèrement, c'est cette BD là, je veux dire. On compare un peu des fois avec des réadaptations ou des BD qu'on nous amène, puis des fois qui sentent un peu la boule à mythe, puis des fois tu retombes justement sur les BD, les séries originales, et là subitement tu te retrouves un peu dans l'ambiance de l'époque plutôt que dans une espèce d'hommage un peu mal à l'aisant parfois à certains égards là. Et ça fonctionne très bien, le récit hyper classique, mais encore là, je veux dire, il y a des enjeux géopolitiques, on nous place les éléments, il y a beaucoup de texte là-dedans, mais ça passe quand même bien parce mais que c'est clair. C'est l'étalon, hein. Je veux dire, même encore aujourd'hui, toute la nouvelle vague western qu'on a eue, à quoi on les compare toujours, c'est toujours à Blueberry. Et il y a une raison pour laquelle c'est l'étalon. Et si, je veux dire, les gens aiment la BD Western actuelle et un peu comme moi, n'avaient pas eu de recontact avec Blueberry, sincèrement, ça vaut la peine de retomber dans cette série-là. Un peu comme pour Lago Winch, où je suis un peu largué avec toutes les nouvelles qui sont plus ou moins palpitantes, mais de retomber sur les deux premiers, où là, ah oui, OK, c'était excellent, cette série-là. Pendant un temps, ça a été excellent. Après ça, ça s'est perdu un peu. Mais avec Blueberry, on retourne un peu là-dessus. On retrouve l'esprit, l'ambiance et on comprend pourquoi c'est l'étalon. Ah oui, et c'est ça. Puis, tu sais, les scénarios, malgré tout, on dit qu'il se passe beaucoup de choses, mais les scénarios, c'était solide et simple. Ben c'est-à-dire qu'on brodait au-dessus. L'histoire est Rio, hyper simple. Bravo. Là, la triche était là, c'est-à-dire que j'ai dit que Blueberry, il y avait eu une adaptation au cinéma, mais la BD elle-même... C'est Rio Bravo. Et d'ailleurs, Jean-Michel Charlier s'en est jamais caché, là. Il dit, c'est Rio Bravo, là. Oui, oui. Alors, l'histoire de Rio Bravo, c'est toute simple. Il se passe rien, là. Je veux dire, le shérif arrête le fils d'un riche propriétaire terrien qui terrorise une ville. Et là, pendant quelques jours, on attend l'affrontement. Ah ben, c'est rien que ça, Rio Bravo. Et il y a l'affrontement. Et l'homme à l'étoile d'argent, Blueberry, débarque en ville, protège une ville, arrête le fils, et là, on attend l'affrontement. Mais Charlier, il est wise, parce que il va aller chercher des éléments comme la femme qui va se faire kidnapper, il l'autre pas. Et là, il rajoute des trucs, mais tout ça en gardant une ligne de conduite, non seulement de classicisme dans l'histoire, mais les cadrages, la façon, l'action qui est découpée à la John Ford. Oui, puis c'est clair, c'est précis, on s'y perd pas. Et ça, je pense que c'est ce que j'aime là-dessus. Là. Ouais, c'est mené avec la finesse d'un horloger. Et Dieu sait qu'on en prend des détours, là. Tu sais, je veux dire, McClure débarque à Fort Navajo, puis on voudrait Blueberry en ville. Oh non, c'est pas lui. Et là, on fait le test. Tu sais, il y a tout le petit truc drôle, là, avec la recrue qui s'est pas tirée, et finalement, ça va être Blueberry. Et les personnages sont cool. Ah, même Blueberry, tu sais, c'est pas un héros standard, là. Il y a son petit côté, tu sais, les commentaires avec l'institutrice, puis... Oui, mais quand même, c'est une femme forte, quand même. Oui, c'est un super personnage. Je ne me rappelle plus son nom, là, mais l'institutrice, j'ai trouvé que c'était un super personnage. Mais Blueberry, dès le premier, là, Fort Navajo, l'autre, je ne me rappelle plus, Fort Apache, Fort Navajo, dès le premier, Blueberry est établi, hein, c'est vraiment le rebelle. Ouais. C'est vraiment celui qui se conforme jamais aux ordres, mais qu'on garde parce que c'est le meilleur. C'est le meilleur, oui. En fait, c'est un autre anti-héros. On est un peu dans le même registre que Winch. Mais c'est un code du western, l'anti-héros, en même temps. Mais pas tant que ça. Mais oui, ça l'est, mais pas tant que ça. Parce que si on dans ceux plus modernes de Sergio Leone, des choses comme ça. John Ford l'a fait, l'anti-héros, souvent. Oui, mais si on compare à Comanche de Herman et de Greg, Red Doss va rester ce héros qui ne dérogera jamais de ses principes, de ses valeurs, peut-être à un moment dans Le ciel est rouge sur l'Abrami, où il va flinguer carrément le méchant parce que, bon, là, il peut pas s'en sortir. Il va faire de la prison. Tandis que Blueberry, il va vraiment être le héros, vraiment protéger la... Mais à un moment donné, les 500 000 piastres à laquelle il court, il veut que ce soit à lui, là. Ce qui fait que oui, il y a quand même un classicisme, mais Charlier et Giraud ont quand même joué sur cet aspect-là du nouveau personnage d'anti-héros un peu dans ces années-là, là, parce que c'est quand même les années 60, Blueberry, l'homme à l'étoile d'argent, c'est 66, 67. Ben, c'est le côté atypique du personnage, et ça m'amène enfin à ouvrir notre dernière parenthèse sur les petits ruisseaux, parce que Dieu sait qu'on a là deux beaux personnages atypiques. Ah oui. Bon, on dira maintenant avec la vague des vieux fourneaux et tout, on est en train de peut-être avoir une tendance lourde de ce côté-là, mais j'ai été, moi, personnellement, complètement renversé par ce superbe mélange que Rabaté va nous mettre en place. Et dans le film aussi, parce que je pense que c'est important de le dire, on a quand même fait un beau travail. Est-ce que... c'est sûr qu'on peut pas le magnifier comme on va le magnifier un trait comme celui de Pascal Rematé qui voilà qui, le problème c'est le trait ouais. c'est sûr que au final même avec une adaptation aussi précise des fois parce que je veux dire par cadrage la petite voiture micro et un paquet d'aspects c'est pris directement ouais. de la BD mais c'est sûr qu'on peut pas à moins de faire une animation ramener le trait que Rabaté a amené mais quand même encore une fois je pense que une des belles adaptations parce que tu sais puis idem pour le western je veux dire qu'est-ce qui fait un bon western justement dans un paquet de cadres qui sont récurrents d'archétypes qui sont récurrents ben c'est là comment on va manier nos personnages qu'est-ce qu'on va en faire et dans Rabaté c'est la même chose je veux dire écoute c'est deux petits vieux qui pêchent là oui mais ouais. les personnages sont tellement humains sont tellement profonds tellement riches et je veux dire les portes que ça nous ouvre sur la réflexion sur l'âge et sur l'âgisme sur la sexualité sur la vie, qu'est-ce qui continue sur la routine c'est une pléiade de discussions c'est un tabou brisé parce qu'on veut pas parler de la vie de ces personnes-là de manière générale, puis lui, il le fait dans ta face. Et cette idée, manière tout à fait humaine. Là. C'est extraordinaire humaine. De dire, écoute, on est vieux quand on décide d'être vieux. C'est ça. Ben oui, c'est la même chose quand, que d'être fourneau. En librairie, quand je le suggère et tout, puis j'arrive à, voilà, ça raconte l'histoire d'un petit vieux, là, et je lui dis, et il part, et il voudrait en finir, et il part avec l'idée d'en finir, mais je dis, c'est un hymne à la vie, là. Ah oui, c'est un récit magnifique. La vie, là. Ouais, là, moi, la fin de ça, là, je me suis dit, je veux vivre. Ah oui, tout à fait. C'est pas pathétique, hein. Non, c'est super bien amené, tout en subtilité, puis je pense que le côté road movie, justement, nous permet, parce qu'en fait, c'est un récit initiatique. Oui. Carrément. Oui, amené à 80 ans. Genre. Exactement. Oui, le type a vécu sa vie d'une certaine façon. Il y a un événement qui arrive qui l'amène à questionner sur les choix qu'il est en train de faire pour lui. Il va accepter de se remettre en question, et le road movie qui va l'amener à faire une série de rencontres, puis à faire un choix déterminant, parce qu'il va avoir grandi, finalement. Il va être passé une autre étape de sa vieillesse, et là, whoops, il redevient un peu la personne qu'il souhaite être à ce moment-là de sa vie. Qui est un très bel écho, encore une fois, des, bon, vous direz, Edouard, le Japon, bien sûr, mais... Écoutez, n'importe quelle, tu sais, vidéo, justement, sur un vieux maître de cuisine, de sushi, ou de peu importe, ils racontent tous la même chose. Je veux dire, ils sont rendus à 70, des fois 80 ans, des fois même 90 ans, et écoutez, ça fait 70 ans, je suis un élève, tu sais. Je commence à peine à être un maître. Je commence à peine à comprendre. Puis, pour de quoi d'aussi complexe que la vie, de simple, mais d'aussi renversant. Je pense que c'est l'idée que Rabaté nous parle de dire non, tu sais, vous allez en apprendre à tous les jours. Là, fait, ça se termine pas à partir d'un moment. Là. D'autant plus que quand tu y repenses là, à rebours, là, ce qu'on fait là en ce moment, dans cette bande dessinée-là, je trouve que Rabaté parle de toutes les choses qui sont importantes dans la vie. Les amis, l'amour, les liens intergénérationnels quand ils rencontrent les hippies, c'est formidable, et là, ces scènes-là. Tout à fait. Hein? Puis il y a personne, une fois qu'on l'a lu, il y a personne qui a été jugé là-dedans. Tout le monde a son rôle à jouer d'une manière particulière. Hors de tout préjugé. Ouais, c'est ça. Rabaté jette jamais un regard, il juge jamais personne là-dedans. C'est vraiment hallucinant à lire. Justement. Une profonde sincérité, effectivement. Ouais. En fait, il aime ces personnages, il leur donne le droit d'être ce qu'ils sont. Puis, dans le fond, il nous laisse le droit de voir, de suivre, simplement. C'est ça. Cette scène magnifique où, justement, notre vieillard, il couchait avec les espèces de hippies de la commune, puis il chante un gars et une fille, les deux sont flambant nus, puis là, d'un coup, lui, gros malaise, il comprend pas trop ce qui... Puis, d'un coup, c'est comme si lui-même, justement, réalise... Pourquoi pas, tant pis. Il y a de la bienveillance. En fait, c'est qu'il perçoit, c'est il reçoit la bienveillance. Ils sont juste là, c'est ça. Il n'y a pas de deuxième degré. Il n'y a pas de plan en arrière de ça. C'est juste des gens qui sont couchés ensemble, puis ils dorment, puis that's it. Puis il y a cette espèce de c'est terriblement thérapeutique comme récit, en fait. Énormément. Là. Une beauté, là. Avec une belle poésie, puis même les scènes de pêche, puis toute la scène d'ouverture aussi, parce que on nous place en fait donc avec une dynamique de pêche, après ça, avec l'ami, puis la sexualité arrive par un peu l'image, par la peinture, et là subitement, dans le fond, on nous met devant un mur de nudité, et on nous dit il y a une sexualité, ça va être un récit où on va aller chercher là-dessus, et on crève l'abcès rapidement aussi. J'ai l'impression que ce passage-là vient servir à ça et vient nous permettre d'accepter tout le reste aussi, puis toutes les autres réflexions qui Tu viens de me faire penser, d'ailleurs, je dois reprendre ce que j'ai dit. Le souvenir me revient, il y a deux personnes qui sont jugées dans cette bande dessinée-là. C'est les enfants de celui qui meurt. Et eux, rabattés aux les nous-mêmes on n'a pas le choix de les détester là. S'il y a des gens qui font de l'âgisme dans cette bande dessinée là, c'est eux autres. Même les cyclistes là, qui sont les sportifs du village là, ils sont aimés avec tout le monde. Ça me fait rire parce que c'est vraiment c'est un anecdote, c'est un moment, c'est comme juste littéralement un clin d'œil. Ils rentrent dans le récit, on les aime pas, ils sortent du récit, on en reparle. On est juste bien qu'ils soient plus là. À nous écouter, et là je réalise que Rabaté qui a adapté lui-même le fait, mais en fait je pense que pour répondre à cette question, qu'est-ce qui fait qu'une bonne adaptation, je pense que c'est le réalisateur qui doit pas avoir le respect envers l'œuvre de la bande dessinée, mais plutôt avoir du respect envers le lecteur de la bande dessinée. Ouais. Je pense que c'est un des éléments qui fait que essentiel pour que l'adaptation en BD pour un film... On en revient toujours à ça, c'est l'authenticité, l'intégrité. Puis le lecteur. Faut pas... on en parle et on se dit, tu sais, Rabaté... Je me permets là-dessus, par exemple, il y a peut-être une porte qu'on peut ouvrir sur autre chose, parce que tu peux aller chercher des gens qui ne seraient pas allés vers la bande dessinée, parce qu'il y en a. On se cachera pas. La différence, mettons, les trucs de super-héros, c'est sûr qu'à la première chose, il faut que tu penses à tes fans, parce qu'eux autres, ils vont te ramener du cash dès le début. Le livre de Rabaté, je pense qu'il peut aller chercher des gens qui seront pas nécessairement intéressés vers la bande dessinée, mais que ça comme film va les toucher. Là. Je l'ai pas vu le film, je sais pas de l'adaptation. Puis, à la limite, ça peut les amener vers la BD aussi, parce que justement... Oui, là, tu vas faire le chemin inverse, effectivement. Effectivement. Et donc, de finale, en fait, ce qu'on pourrait se dire, c'est, on revient un peu à ce que tu as dit tantôt, dans le fond, le lecteur, moi, je le qualifierais à la limite de l'essence. C'est qu'est-ce qui fait que cette BD-là marche? Puis après ça, de voir un peu les éléments qui marchent dans la BD, puis de se poser la question au niveau cinématographique, ben comment je peux prendre ces éléments-là, puis les transposer vers un autre médium, puis faire que ça va marcher aussi. Dans Les Petits Ruisseaux, ben on garde le côté profondément humain, ça se retrouve dans la BD, ça se retrouve dans le film. Dans Civil War, ça marche parce qu'on va chercher l'essence du conflit, donc ça va fonctionner parce que la dynamique est là, tandis que dans Blueberry, ben on perd justement l'essence du personnage, donc ça marche pas. Et dans Largo Winch, ben on oublie de l'intégrer, simplifie dans le fond peut-être simplement l'idée du film d'action classique, mais sans aller chercher l'essence de ce qui fait qu'en BD ça marche. Le respect du fan, le respect du petit détail que les fans vont aller chercher, qu'eux autres vont les toucher. Non, c'est pas le public, le lecteur. C'est ça. Tu parlais de Peter Jackson tantôt, de Tolkien, mais c'est ça, c'est d'un fan à d'autres. Moi je trouve que dans ces cas-là c'est assez important. Jérôme Vermette, Édouard Tremblay, Marco Duchesne, on se retrouve en mode club de lecture dans un mois. Donc ça va être le dernier vendredi d'octobre. Merci à vous trois d'avoir participé à nouveau. C'est un grand plaisir. Ça fait agréable. Et Édouard, nous, on se revoit la semaine prochaine puisqu'on te donne une carte blanche où tu nous parles de Rome en BD. Même batteur, même batchaine. Et juste avant, la semaine prochaine, on jasera également Comic-Con avec Jason Rockman pour comprendre un peu comment ça marche, l'organisation de tout ça. Alors voilà pour le menu de la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et surtout une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.